les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une histoire de torero sans arène. Mais il n'y a pas que les arènes où l'on peut affronter les taureaux. Et l'on peut apprendre à maîtriser sa peur pour travailler ensuite le taureau. Sans en fait jamais imaginer se trouver réellement dans une arène. Dans l'émission de Patrice Galbeau, Bonne Nouvelle Grand Comédien, François Perrier disait un texte d'Ernest Hemingway. La capitale du monde, d'Ernest Hemingway. Madrid est plein de garçons nommés Paco. Paco est le diminutif de Francisco. Et l'on raconte en ville l'histoire du père qui vint à Madrid et fit paraître dans les petites annonces du journal El Liberal les lignes suivantes. Paco, viens me voir, hôtel Montana mardi, tout est pardonné, papa. À la suite de quoi, il fallut mobiliser tout un escadron de la Guardia Civile pour disperser les 800 jeunes gens qui avaient répondu à l'annonce. Mais le Paco dont il s'agit, qui servait à la table de la pension Luarca, n'avait pas de père qui pût lui pardonner. Il avait deux sœurs plus âgées, toutes deux femmes de chambre à la Luarca, et qui devaient cette place au fait qu'elles venaient du même petit village qu'une ancienne femme de chambre de la Luarca, laquelle s'était montrée honnête travailleuse, faisant ainsi la renommée de son village et de ses produits. Et ses sœurs avaient payé son voyage dans l'autobus de Madrid et lui avaient trouvé cet emploi de commis de restaurant. Il venait d'un village d'Estramadour où les conditions de vie étaient incroyablement primitives, la nourriture rare, et le confort le plus rudimentaire, totalement inconnu. Et il avait travaillé dur, du plus loin qu'il pouvait se le rappeler. C'était un garçon bien bâti, aux cheveux noirs, assez frisés, de bonnes dents, une peau que ses sœurs lui enviaient, et un sourire spontané et sans mystère. Il était preste, faisait bien son travail, et aimait ses sœurs qu'il trouvait belles et sophistiquées. Il aimait Madrid, qui était toujours un endroit incroyable à ses yeux. Il aimait son travail, lequel accompli au feu des lumières avec du linge propre, le port d'un vêtement de soirée et une nourriture abondante à la cuisine, lui apparaissait sous un jour romanesque et merveilleux. Il y avait de 8 à 12 personnes qui habitaient la Luarca et qui prenaient leur repas à la salle à manger. Mais aux yeux de Paco, le plus jeune des trois serveurs, les seuls qui comptaient vraiment étaient les toreros. Les matadors de deuxième ordre habitaient la pension parce que la maison de la Calle San Genorimo avait une bonne réputation, que la nourriture était excellente et le prix de pension peu élevé. Pour un torero, il importe de donner l'apparence, sinon de la prospérité, tout au moins de la respectabilité, décorum et dignité, ayant le pas sur le courage dans l'échelle des vertus les plus hautement estimées en Espagne. Jamais on n'a vu un torero quitter la Luarca pour habiter un hôtel meilleur ou plus cher. Un toréador de deuxième ordre ne devient jamais un toréador de premier ordre. Mais la descente de la Luarca était rapide du fait que le premier venu, gagnant le moindre argent, pouvait y loger et que jamais on ne présentait la note au client sans qu'il l'eût demandé, jusqu'à ce que la logeuse jugeât que la situation était vraiment désespérée. Au moment qui nous occupe, il y avait trois matadors qui habitaient la Luarca, en même temps que deux très bons picadors et un excellent banderillero. La Luarca était un luxe pour les picadors et les banderilleros qui devaient se loger à Madrid durant la saison de printemps, leurs familles habitant ces villes. Mais ils étaient bien payés et à la solde fixe des toreros qui allaient tenir l'affiche pendant la saison prochaine. Et chacun de ces trois subalternes se ferait probablement plus d'argent qu'aucun des trois matadors. Des trois matadors, l'un était malade et cherchait à le cacher. L'autre avait vu passer son heure de vogue en tant qu'attraction nouvelle, et le troisième était un poltron. Le poltron, à un moment donné, jusqu'à ce qu'il eût reçu au bas-ventre une blessure atroce et singulière, tout au début de sa première saison comme matador en titre, s'était montré exceptionnellement courageux et remarquablement adroit, et il avait conservé une bonne partie de sa faconde et de son attitude cordiale de ses jours de succès. Il était jovial à l'excès, riait constamment pour un oui ou pour un non. Au temps de sa célébrité, il avait eu un goût prononcé pour les farces et les plaisanteries, mais il les avait abandonnées depuis. Les blagues exigeaient une assurance qu'il ne ressentait plus. Ce matador avait un visage intelligent et très ouvert et se comportait avec beaucoup de style et d'allure. Le matador, qui était malade, prenait grand soin de ne pas le laisser voir, et pour rien au monde, il n'eût laissé passer un plat à table sans en manger un peu. Il possédait une grande quantité de mouchoirs qu'il lessivait lui-même dans sa chambre, et, tout récemment, il avait vendu ses costumes de course. Il en avait vendu un à bas prix avant Noël, et un autre la première semaine d'avril. Ses costumes avaient coûté fort cher, avaient toujours été soigneusement entretenus, et il lui en restait un. Avant de tomber malade, il avait fait des débuts prometteurs, sensationnels même, et bien que ne sachant pas lire, il gardait des coupures de presse où l'on disait que pour ses débuts à Madrid, il avait été meilleur que Belmonte. Il mangeait seul à une petite table et ne levait que rarement les yeux de son assiette. Le matador, qui avait eu son heure de notoriété comme attraction, était très petit, très noir et très digne. Il prenait lui aussi ses repas à une table séparée, souriait rarement et ne riait jamais. Il venait de Valladolid, où les gens sont extrêmement sérieux. Et il avait du talent, mais son style avait vieilli avant qu'il n'eût réussi, grâce à ses qualités qui étaient le courage et une maîtrise assurée, à se faire aimer du public, si bien que son nom n'attirait personne aux courses de taureaux. Son originalité tenait au fait qu'il était si petit qu'il ne voyait guère par-dessus la bosse du taureau, mais il y avait d'autres toreros qui étaient petits et il n'avait jamais réussi à s'imposer aux caprices de la foule. Des picadors, l'un était mince, avec un profil de vautour grisonnant, de carrure assez fragile, mais avec des bras et des jambes d'acier, buvant trop tous les soirs et lançant des regards enamourés à toutes les femmes de la pension. L'autre était immense, noir, de visage olivâtre, beau garçon, avec une chevelure d'indien et des mains énormes. Tous deux étaient de grands picadors, malgré que le premier passa pour avoir gaspillé la plus grande partie de ses dons à boire et à mener une vie dissipée, et que le second fut réputé pour être trop entêté, trop mauvais coucheur, pour rester plus d'une saison avec n'importe quel matador. Le banderillero était un homme d'un certain âge, grisonnant lui aussi, vif comme un chat en dépit des années, et qui, assis à table, avait l'air d'un homme d'affaires modérément prospère. Ses jambes étaient encore assez bonnes pour la saison à venir, et quand elle le lâcherait, il était assez intelligent et assez expérimenté pour être assuré d'un emploi régulier pendant longtemps encore. La différence serait qu'une fois son jeu de jambes parti, il aurait toujours peur, alors que maintenant il restait calme et sûr de lui dans l'arène et en dehors de l'arène. Ce soir-là, tout le monde avait quitté la salle à manger, sauf le picador au profil d'aigle qui buvait trop, le marchand de montres aux enchères dans les foires et marchés, au visage criblé de taches de rousseur qui lui aussi buvait trop, et deux curés de Galice assis à une table de coin qui buvaient, sinon trop, du moins suffisamment. Le plus grand des garçons, qui était en retard pour le meeting, fit « Regardez-les boire, ces cochons noirs !» « Ce n'est pas bien de parler comme ça, » fit le deuxième garçon. « Ce sont des clients très convenables. il ne se saoule pas. « Pour moi, c'est très bien de parler comme ça, » répondit le grand. « Il y a deux calamités en Espagne, les curés et les taureaux. » En tout cas, pas un curé en tant qu'individu, ni un taureau en tant qu'individu, répliqua le deuxième garçon. Si, fit le grand, c'est seulement par l'individu qu'on peut attaquer la classe. Il est nécessaire de tuer le taureau individuellement, et le prêtre individuellement, tous. Après ça, il n'y en aura plus. Garde ça pour le meeting, fit l'autre garçon. Quelle barbarie dans cette ville de Madrid, reprit le plus grand des garçons. Il est maintenant 11h30 sonné et ceux-là sont encore en train de s'empiffrer. Ils n'ont commencé à manger qu'à 10h, fit l'autre. Tu sais bien qu'il y a beaucoup de plats. Ce vin est bon marché, ces deux-là l'ont payé. Ce n'est pas du vin qui monte à la tête. Comment peut-on s'attendre à trouver la solidarité entre les travailleurs avec des imbéciles comme toi, demanda le grand. Écoutez, fit le deuxième garçon, un homme d'une cinquantaine d'années, j'ai travaillé toute ma vie. Il faudra que je travaille tout le reste de mon existence. Je n'ai rien contre le travail. C'est normal de travailler. Oui, mais le manque de travail tue. J'ai toujours travaillé, fit le vieux. Va donc au meeting. Rien ne t'oblige à rester. Tu es un bon camarade, dit le grand. Mais tu manques totalement d'idéologie. Meilleur si me falta eso que le otro, fit l'autre. Autrement dit, il vaut mieux manquer de cela que de travail. Va-t'en au meeting. Paco n'avait rien dit. Il ne comprenait rien à la politique, mais toutes les fois qu'il entendait le grand parler de la nécessité de tuer les prêtres et la guardia civile, cela l'électrisait. À ses yeux, le grand garçon représentait la révolution. Et la révolution était aussi quelque chose de romanesque. Pour lui, il voulait être un bon catholique, un révolutionnaire, et avoir un emploi régulier comme celui-ci, tout en étant, par ailleurs, un torero. Va au meeting, Ignacio, fit-il. Je me charge de ton travail. Nous serons deux, fit le plus âgé des garçons. Il y en a à peine assez pour un, dit Paco. Va au meeting. Pues mi voy, dit le grand. Et merci. Dans la chambre, le matador était assis sur le lit. Il avait encore sur son visage cette contorsion dont il faisait dans l'arène un sourire perpétuel, effrayant pour les spectateurs du premier rang qui savaient à quoi s'en tenir. « Et ça, disait-il à haute voix, et ça, et ça. » Il se rappelait le temps où il avait été bon, et cela ne remontait qu'à 3 ans. Il se rappelait le poids sur ses épaules de la lourde tunique d'apparat brodée d'or par un chaud après-midi de mai, alors que sa voix était encore pareille dans l'arène à ce qu'elle était au café. Il se revoyait visant le long de la lame à la plongeante pointe la place du sommet des épaules, où c'était poussiéreux, dans la bosse de muscles noirs et court-poilus, au-dessus des larges cornes écaillées du bout, à taper dans le bois, ces cornes qui s'abaissaient au moment où il rentrait pour la mise à mort. Il sentait de nouveau l'épée s'enfoncer aussi aisément que dans une motte de beurre un peu ferme, la paume de sa main appuyant sur le pommeau, le bras gauche croisé bas, l'épaule gauche en avant, tout son poids portant sur la jambe gauche. Et puis son poids n'avait plus porté sur la jambe gauche. Son poids avait porté sur son bas-ventre, et quand le taureau avait relevé la tête, la corne avait disparu tout entière en lui, et il avait voltigé 2 fois au-dessus avant qu'on vînt le dégager. Si bien que maintenant, lorsqu'il rentrait pour la mise à mort, et cela lui arrivait rarement, il ne pouvait plus regarder les cornes. Et qu'est-ce qu'une putain aurait bien pu savoir de ce qu'il endurait avant chaque course? Et qu'avait-elle enduré, celle qui se moquait de lui? C'étaient toutes des putains, et elle savait ce qu'elle pouvait en faire. En bas, dans la salle à manger, le picador, assis, dévisageait les prêtres. Quand il y avait des femmes dans la salle, il les dévisageait. Quand il n'y avait pas de femmes, alors il prenait plaisir à fixer un étranger, un inglés. Mais pour l'instant, à défaut de femmes ou d'étrangers, il regardait les deux prêtres d'un air insolent et satisfait. Les deux prêtres ne levèrent pas les yeux sur le picador. L'un d'eux disait... Voilà 10 jours que j'attends de le voir. Toute la journée, je fais antichambre et il ne me reçoit pas. Que faire? Rien, que peut-on faire? On ne peut pas s'insurger contre l'autorité. Cela fait 15 jours que je suis ici et rien. J'attends et on ne veut pas me recevoir. Nous venons du pays abandonné. Quand l'argent manquera, nous nous en retournerons. au pays abandonné. À ce moment, le Pigador se leva, s'avança vers la table des prêtres, se planta devant eux, oiseau de proie aux cheveux grisonnants, et les dévisagea en souriant. « Un torero, dit à l'autre un des prêtres. « Et un fameux, dit le Picador. Et sur ce, il sortit de la salle à manger, courte veste grise, hanches minces, jambes torses, en culotte serrée au-dessus de ses bottes de bouvier à haut talon qui sonnaient sur le plancher tandis qu'il se pavanait, la démarche assurée, souriant à part lui. Il vivait dans un monde professionnel minuscule, étroit, un monde de valeurs personnelles, de triomphes chaque soir puisés dans l'alcool et d'insolence. Pour l'instant, allumant un cigare et rabattant son chapeau sur ses yeux, il longea le couloir et s'en alla au café. Les prêtres, confus d'être les derniers à quitter la salle à manger, partirent immédiatement après le Picador, et il ne restait plus maintenant que Paco et le garçon d'un certain âge. Ils débarrassèrent les tables et emportèrent les bouteilles à la cuisine. Dans la cuisine se trouvait le jeune laveur de vaisselle. Il avait 3 ans de plus que Paco et était très cynique et très amer. « Prends ça, dit le garçon, lui versant un verre de Valdepenas et le lui tendant. « Pourquoi pas ?» Le jeune homme prit le verre. « Tout Paco ?» demanda le garçon. « Merci, dit Paco. » Ils burent tous trois. « Je m'en vais, dit le garçon plus âgé. « Bonne nuit, lui dirent-ils. » Il s'en alla, les laissant seuls. Paco saisit une serviette dont s'était servi un des prêtres et planté tout droit, les talons fermement appuyés sur le plancher, il abaissa la serviette et la tête, suivant le geste, lança ses bras dans un lent mouvement circulaire de Véronique. Il fit demi-tour et, avançant légèrement son pied droit, fit la deuxième passe, gagna un peu de terrain sur le taureau imaginaire et fit la troisième passe, lente, suave et parfaitement rythmée. Puis il ramena la serviette contre lui et vira, effaçant ses hanches dans une media Véronica. Le plongeur, qui s'appelait Henrik, le regardait d'un œil critique et sarcastique. « Et le taureau, comment il est » fit-il. « Très brave, dit Paco, regarde !» Le corps droit, mince et ferme silhouette, il fit encore 4 passes parfaites, aisées, élégantes et gracieuses. « Et le taureau ?» demanda Henrik, debout contre l'évier, son verre de vin à la main, son tablier noué à sa ceinture. « Il en a encore dans le ventre, dit Paco. » « Tu me fais mal, tiens, dit Henrik. Pourquoi ?»« Regarde !» Henrik ôta son tablier et, provoquant le taureau imaginaire, il modela 4 languissantes parfaites Véroniques de style gitan et termina par une rebolera qui fit tournoyer le tablier en un arc tendu devant le mufle du taureau tandis qu'il s'écartait de lui. « Regarde-moi ça, dit-il, et je lave la vaisselle. Pourquoi ?» « La peur, répondit Henrik, miedo, la même peur qui te prendrait dans une arène devant le taureau. »« Non, fit Paco, je n'aurais pas peur. »« Lecce, dit Henrik, tout le monde a peur, mais un torero sait maîtriser sa peur de façon à pouvoir travailler le taureau. »« J'ai été dans une course d'amateur et j'avais tellement peur que je courais sans pouvoir m'arrêter. »« Tout le monde trouvait ça très drôle. »« Toi aussi, tu aurais peur. »« S'il n'y avait pas la peur, tous les cireurs de souliers d'Espagne deviendraient des toreadors. » « Toi, un campagnard, tu aurais plus peur que moi. » « Non, dit Paco. » Il l'avait fait souvent en imagination. Il avait trop de fois vu les cornes, vu les naseaux humides du taureau, l'oreille frémir, puis la tête s'abaisser et la charge, le claquement mat des sabots et le taureau fumant passant contre lui, tandis qu'il faisait tournoyer la cape, fonçant dans une nouvelle charge, alors qu'il lançait de nouveau la cape, recommençant et recommençant encore pour finir par enrouler le taureau autour de lui dans sa merveilleuse media Véronica et s'en aller d'un pas dégagé avec des poils du taureau pris dans les garnitures dorées de sa veste au cours des passe serré, le taureau immobile, hypnotisé, et la foule éclatante en applaudissements. Non, il n'aurait pas peur. Même s'il lui arrivait d'avoir peur, il savait qu'il pourrait le faire de toute manière. Il était sûr de lui. « J'aurais pas peur, dit-il. » Henrik dit « Lecce » encore une fois. Puis il fit « Si on essayait. » « Comment ?» « Écoute, dit Henrik, tu penses au taureau, mais tu ne penses pas aux cornes. Le taureau a tellement de force que les cornes déchirent comme un couteau, transpercent comme une baïonnette et tuent comme une massue. Tiens !» Il ouvrit un tiroir de table et prit deux couteaux. « Ce sont les cornes. Si tu veux les attacher au pied d'une chaise, et après je ferai le taureau pour toi en maintenant la chaise devant ma tête. Les couteaux, ce seront les cornes. Si tu fais les passes à ce moment-là, ça voudra dire quelque chose. » « Prête-moi ton tablier, » dit Paco. « On va faire ça dans la salle à manger. » « Non, » répondit Henrik, cessant brusquement d'être amer. « Ne le fais pas, Paco. »« Si, » dit Paco, « je n'ai pas peur. »« Tu auras peur quand tu verras s'amener les couteaux. »« Nous verrons bien, » dit Paco, « passe-moi le tablier. » Au même moment, pendant qu'Henrik fixait solidement au pied de la chaise les deux couteaux à découper aux lames lourdes et tranchantes comme des rasoirs à l'aide de deux serviettes sales qu'il enroulait à la jointure du manche et de la lame, puis serrait fortement et nouait ensuite, les deux femmes de chambre, les sœurs de Paco, s'en allaient au cinéma voir Greta Garbo dans Anna Christie. Des deux prêtres, l'un était assis en caleçon et gilet de flanelle et lisait son bréviaire, et l'autre, en chemise de nuit, marmonnait le rosaire. Tous les toreros, à part celui qui était malade, avaient, comme chaque soir, fait leur petit tour au café Formosa, où le grand picador aux cheveux noirs jouait au billard et où le petit matador à l'air sérieux était assis à une table encombrée devant un café au lait avec le banderillero d'un certain âge et d'autres ouvriers au visage méditatif. Le picador alcoolique et grisonnant avait devant lui un verre d'eau-de-vie de Casalas et se délectait à contempler une table où avait pris place le matador dont le courage avait fui, un autre matador qui avait renoncé à l'épée pour redevenir banderillero, et deux prostituées blanchies sous le harnais. Le marchand de montres, debout au coin de la rue, parlait à des amis. Le plus grand des garçons de la Luarca était à la réunion anarcho-syndicaliste, attendant une occasion de prendre la parole. Le garçon d'un certain âge buvait un boc à la terrasse du café Alvarez. La patronne de la Luarca dormait, déjà allongée dans son lit, le traversa entre les cuisses, obèse, grasse, honnête, propre, bonne nature, très dévote, n'ayant jamais cessé de penser ni de prier journellement pour son mari, mort il y avait de cela 20 ans. Seul dans sa chambre, le matador malade était étendu sur son lit, le visage dans l'oreiller, tenant un mouchoir contre sa bouche. Et maintenant, dans la salle à manger déserte, Henrik finissait d'attacher les couteaux au pied de la chaise. Il fit un dernier nœud et souleva la chaise. Il la pointa, couteaux en avant, et la tint au-dessus de sa tête, les lames braquées droit devant lui, une de chaque côté de sa tête. « C'est lourd, » dit-il. « Attends, Paco, c'est très dangereux, ne le fais pas. » Il transpirait. Paco se tenait planté en face de lui, et déployant le tablier, un coin replié en boule dans chaque main, pouce levé, annulaire en bas, les talons de façon à capter le regard du taureau. « Charge droit, » dit-il, « tourne comme un taureau, charge autant de fois que tu veux. » « Comment sauras-tu à quel moment arrêter la passe? Il vaut mieux en faire trois et puis une média. » « Bon, » dit Paco, « mais fonce tout droit. »« Allez, torito, allons, viens, mon petit taureau. » Tête baissée, Henrik a couru sur lui et Paco fit voler le tablier juste en avant de la pointe de la lame au moment où elle frôlait son ventre. Et quand elle passa, elle était pour lui la véritable corne blanche au bout noir, lisse. Et lorsqu'Henrik l'eut dépassé et fait demi-tour pour se ruer à nouveau, ce fut une masse fumante aux flancs ensanglantés qui déferla devant lui dans un galop de tonnerre, puis virevolta comme un chat et revint tandis qu'il faisait lentement tourner la cape. Ensuite, le taureau fit demi-tour, revint, et comme il épiait l'assaut de la pointe menaçante, il avança le pied gauche quelques centimètres trop loin, et le couteau ne le dépassa point. Il était rentré aussi aisément que dans une outre à vin, et il eut un brusque afflux bouillant au-dessus et tout autour de la soudaine rigidité de l'acier en lui, tandis qu'Henrik hurlait « Aïe, aïe, attends, je vais la sortir, attends, je vais la sortir !» Et Paco s'affaissa en avant sur la chaise, tenant toujours le tablier cap, Henrik tirant sur la chaise et tournant la lame en lui, Paco. À présent, le couteau était parti, il restait ainsi sur le plancher, dans la mare tiède qui allait s'élargissant. « Mets la serviette dessus, appuie, » fit Henrik, « appuie fort, je cours chercher le docteur, Il faut que tu retiennes l'hémorragie. Il faudrait une ventouse en caoutchouc, dit Paco. Il avait vu employer cela dans l'arène. J'ai foncé droit, dit Henrik en pleurant. Je voulais seulement te montrer le danger. Ne t'inquiète pas, dit Paco d'une voix qui semblait venir de très loin, mais amène le docteur. Dans l'arène, on vous soulevait et on vous portait en courant à la table d'opération. Si l'artère fémorale se vidait avant d'y arriver, alors on appelait le prêtre. Préviens des prêtres, dit Paco, pressant fortement la serviette contre son bas-ventre. Il ne pouvait pas se faire à l'idée que cela lui était arrivé. Mais Henrik descendait en courant la Calle San Geronimo jusqu'au poste de secours et Paco était seul, d'abord assis, puis recroquevillé sur lui-même, puis affalé par terre comme une loque, jusqu'à ce que tout fût fini, sentant la vie s'échapper de lui comme de l'eau sale s'écoule d'une baignoire quand on ouvre la soupape. Il avait peur et il se sentait tout faible. Il voulut dire un acte de contrition et se rappela le début, mais avant d'avoir pu dire aussi vite qu'il le pouvait, « Oh mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable, et je prends la ferme... » Il se sentit trop faible et se trouva allongé le visage contre terre, et ce fut très vite fini. Une artère fémorale sectionnée se vide plus vite qu'on ne croit. Au moment où le docteur du poste de secours montait l'escalier accompagné d'un policier qui tenait Henrik par le bras, les deux sœurs de Paco étaient encore au cinéma de la Gran Via, où elles éprouvaient une amère déception à la vue du film de Greta Garbo dans lequel la grande star évoluait parmi un décor misérable alors qu'elles étaient habituées à la voir entourée de luxe et d'apparat. La salle trouvait le film impossible et protestait en sifflant et en tapant des pieds. Tous les autres gens de l'hôtel faisaient presque exactement ce qu'ils étaient en train de faire lorsque l'accident était survenu, à part que les deux prêtres avaient terminé leur dévotion et se préparaient à dormir, et que le picador grisonnant avait porté sa consommation à la table des deux prostituées d'Ecati. Peu après, il s'en alla avec l'une d'elles. C'était celle à qui le matador poltron avait payé à boire. Le jeune Paco n'avait jamais rien su de tout ceci, ni de tout ce que ces gens-là pourraient bien faire le lendemain et les jours suivants. Il n'avait pas la moindre idée de la façon dont ils vivaient réellement, ni de la façon dont ils termineraient leur existence. Il ne se rendait même pas compte qu'elle devait se terminer. Il était mort, comme on dit en espagnol, avec toutes ses illusions. Il n'avait pas eu sa vie durant le temps d'en perdre une seule, ni même à la fin, de terminer son acte de contrition. C'était Bonne Nouvelle Grand Comédien, une émission de Patrice Galbeau. François Perrier disait un texte d'Ernest Hemingway, La capitale du monde. Traduction Marcel Duhamel, édition Gallimard. Première diffusion sur France Culture le 19 août 1970.